À l'aube des 30 ans, maintenant, renouer fièrement avec les liens du sang. Retour auprès des miens, lire enfin les lignes de la main, se parler sans phare et sans détour, renaître en plein jour. Dites-moi où est l'entrée du paradis sur terre, je saurai m'y relever. À ceux que j'aime, un paradis sur terre que l'on puisse y retrouver pour une journée. Mais au gré des voyages, des rencontres, course contre la montre, je sais apprécier le cours des choses et marquer une pause. Pour un long séjour.